Pardon? Oui, pardon? Oui? Oui! Ah oui, bonjour! Bonjour à vous! Comment ça va, mes amis? C'est Kairélien, c'est Kairélienne! Pigeon voyageur, parce qu'il y a des pigeons voyageurs aussi, faut pas s'attendre. Faut pas se surprendre et s'attendre d'avoir que des membres de ces CKRL. Des gens qui ont leur carte, il y en a d'autres qui fonctionnent sous le Gestapo. Les autres, ils veulent vivre de même. Ils sont. Pour ces individus-là. Ça va, Tom Renal, ça va très bien. Moi, écoute, personnellement, perso, là, si on me demande perso, je me sens percé dans aucun de mes membres actuellement. Quoique! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai mis mon coude dans... en tout cas, ça, c'est ma vie intime. Mais sinon, ça va bien. Mais, les quatre mains. Bon. Les quatre mains? Ben oui. Oui, quatre mains. Pour moi, là, mes deux pieds servent aussi de main. Là. Je marche sur les pieds, sur les mains. N'importe quel. Tu peux me voir même marcher sur les cheveux. Pis ça fait peur. Parce que si tu trouves qu'un mille pattes, c'est étrange. Un rénal qui marche sur les cheveux. Appelez pas la police. Appelez pas la police. Puis ne demandez-vous pas surtout s'il est en état de sobriété. C'est certain que pour marcher de même, il faut avoir son 100% dans la globalité de l'être qui anime les cheveux qui font en sorte que l'errant peut marcher. C'est assez clair, ça, madame? Non, je répète pas ces affaires-là. Non, ça, c'est discret, hein? Non, ça fait... Surtout, ça fait mal à dire. Pas la maladie, ça fait mal à dire. La maladie aussi, c'est souffrant. C'est très souffrant, puis il faut surtout pas trop en rire. Mais il y a des gens qui fonctionnent autrement, qui évacuent tout ça par le rire. Pour moi, c'est la meilleure solution. Je sais pas si moi, je réagirais comme ça. Mais il y a certains programmes, il y a des chercheurs, des docteurs, des grands réflecteurs de notre société. Des réflecteurs, ben oui. Moi, c'est mon scooter, parce que je vous ai pas parlé souvent de mon scooter cette année, hein? J'ai changé ma roue de mon scooter. J'avais un petit problème. Moi-même, j'étais un problème. Oui, je sais, moi-même, j'étais un problème, mais je me suis réveillé. Hey, imagine, mon ami, imagine. Là, il y a des gens qui se demandent, là, ils viennent de quel coin du Québec, là? Ils sortent des expressions, ça n'a pas de bon sens. Ah, mais moi, j'ai du très bon sang. Du sang d'artiste. On disait ça à l'époque, hein? Le sang rare, là, c'est du sang d'artiste. Il est rare dans quel sens? Ben, il est rare, là. Il est rare comme... Yolande, il est rare. Non, c'est Yolande Guérard. Oui, mais moi, je suis rare aussi au niveau... au niveau de la du cœur qui fait sortir du truc. Qui est du jus de sang. Là. Moi, je suis pas mal là-dedans. Je suis unique. Là, il y a des gens qui disent, voyons donc, unique, c'est unique. Ah, mon Dieu, Seigneur. Il passe plus dans la porte. Il passe plus. Ben, je passe aux douanes. Déjà, là, c'est beaucoup. Merci, mon Dieu. Merci. Alors, on va faire une incantation à mon Dieu. Ah, mon Dieu, reste avec moi. C'est beau, hein? Je pense qu'il est parti. Il est parti prendre son poteau. Bon. Et puis sinon, oui, on est surpris. Imaginez-vous que quand je fais mon émission, puis malheureusement, je vous place souvent en condition de... un peu comme au théâtre, d'ouvrir les horizons, de vous ouvrir. Puis c'est ça le plaisir de la radio. Sinon, on regarderait la TV, voyons donc. On regarderait des insignifiants. Tellement insignifiant, cette affaire-là, c'est que... Tu peux regarder, tu peux « ouais ». Tu regardes pas, tu « ouais ». Tu « ouais ». Tu « ouais ». Tu « web ». Non, je « web » pas, là. Non, c'est pas cybernétique, là. Tu regardes, là, tu « ouais » par la télévision des affaires tellement insignifiantes. On achète des petits dans des gros placards barrés, là, on débarre ça, on ouvre ça, puis hey, comment ça coûte? Comment ça coûte? Il y a des télévisions, des vieilles TV, du monde qui sont départis de leur cochonnerie pour en faire bénéficier des plus cons qui vont les acheter. Faut être con pour acheter ça, là. Plus t'es con, plus tu mises, puis là, il y a comme une rivalité d'imbéciles. Quoique, à la radio, c'est comme ça aussi, hein, il y a des rivalités. Ah, mais lui, il fait ça, mais moi, je fais ça aussi. Mais ça, c'est dans le commerce. Pas dans le dans l'associatif. On s'aime, on s'embrasse, on est tous ensemble. On est comme des abeilles. T'aimes ça, le mot, hein, des abeilles? On s'aide. On s'entraide. T'as un problème, mon champion? Je peux pas t'en placer, moi. Non, je peux pas t'en... Mais c'est parce que moi, j'ai un petit problème. C'est que le lundi, je travaille. Le mardi, je travaille. Le mercredi, je travaille. Le jeudi, je travaille. Le vendredi, je travaille. Mais quoi que le jeudi, à l'heure où je fais mon émission, je suis là. Et c'est pour ça... Voilà le lien. Le lien arrive, puis attention. C'est pour ça qu'il y a un barrage qui se produit dans ma rue, sur ma rue. Parce que moi, j'habite dans un sous-sol d'une maison. Donc, puis le studio des abeilles, c'est ici. Puis on m'a dit, ça baisse, ça braise, ça baille. Bon, en tout cas, où ça braise, là, c'est le studio. Je vais faire mes rencontres sur la rue où il y a des restaurants, puis des bistrots, puis des bars, puis du monde bien sympathique, puis des bobos. Oh, c'est bien, oui, mais la rue des Avets, c'est rendu bobo, hein? C'est rendu bobo, c'est bobo. Moi, je me suis fait un bobo, mais on vous a expliqué comment c'est fait. Puis là, mon scooter. Non, c'est pas parce que. Non, j'ai pas eu d'accident, madame. Appelez pas la police. La police, ça vient plus pour moi. Mais sauf pour moi, mon barrage radiophonique. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, on vous parlait de mon scooter. Hey, pas compliqué, cette émission-là. C'est très compliqué. Est-ce que c'est comme des meubles qu'on achète dans un certain magasin? Est-ce qu'il faut construire ça tout croche pour être heureux ou quoi, là? Moi, écoutez, ma friteuse que je me suis achetée là-bas. Magasin, je peux pas nommer. Suédois. C'est suédois, je sais pas si c'est suédois, mais j'en ai acheté un, moi, une friteuse, une insignifiante qui avait manqué, en plus qu'elle avait trop de trous pour pas assez de vis. Il n'y a aucune connotation sexuelle, là. Trop de trous pour pas assez de vis, c'est que moi, écoute, ils mettent 18 vis. Ils mettent 52 trous, voyons donc, dans... Quel pénétrant, hein? Auto-pénétrant, qu'est-ce qui se passe, là? C'est-tu rénal, anal, voyons? J'étais mêlé, fiche mâle, fiche femelle, puis aujourd'hui, hein? Jean-Pierre l'a dit, hein? Il y a plus rien qui tient. Plus rien qui tient. On est tout croche, puis moi, écoute, ça ressemblait plus à une friteuse, à un moment donné. Ça ressemblait à une machine... À voyager dans le temps. Là, à voyager dans le temps, le temps que tu veux bien prendre puis que tu veux bien mettre sur ton cadran. Parce que là, c'est pas 350, la friteuse, là, t'apporte pas à ouvert, fermé. C'est des affaires, je sais pas, anglophones, comment c'est on off. On est heureux lorsqu'on est imbécile. On est heureux puisqu'il y a de l'amour dans l'air. Mais off. Ça, oui, écoute, pour être un francophone pur laine, là. Ne possédant, je pensais que mon téléphone sonnait. Parce que j'entendais Alain Bachung. Parce que moi, là, je vais vous dire que mon cellulaire, c'est une chanson d'Alain Bachung. Faudrait que je le fasse sonner tantôt. Hein? On va faire jouer une petite chanson, puis je vais prendre un téléphone, puis je vais m'appeler pour que vous entendiez ma sonnerie. C'est pété. Puis en plus, il est sur le vibrato. Ça vibre au début, puis après ça, il y a une montée d'Alain Bachung. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est... Non! On va recoudre ça, madame. Faites-vous-en pas. La plaie est ouverte. Oui, je sais qu'elle est pleine. L'opération se passe bien. Votre hamster va vivre longtemps, on vous le jure. On n'appelle pas les humains, là. On parle pas de... Non, mais quand il y a des opérations à cœur ouvert, il n'y a pas de médecin qui va appeler l'épouse qui est en larmes et qui se demande si son homme va trépasser ou vivre, son homme, son mari, parce qu'on n'appartient à personne et heureusement, s'il va trépasser. Mais un chien, un chat, un hamster, chez le vétérinaire, faites-vous-en pas, vous allez avoir une qualité A1. Écoutez, là, nous sommes présentement à l'ouverture de la horte. La horte, c'est pas ordinaire, là, c'est ouf. C'est pas très beau à voir, mais il va survivre. Nous sommes des professionnels du bistouri. Il y a le docteur Doolittle. Connaissez-vous Doolittle? Il fait pas juste parler aux animaux, il les opère, il les aime. C'est bizarre, là. Il s'en va en cours la semaine prochaine. Écoutez, je peux pas aller plus loin, là, sinon... je risque de moi-même passer en cours ou peut-être passer sur comment t'appelles ça, toi, un fusil, une cible. Je pourrais être une cible vivante. Quoique je me sens passablement mort depuis 3 semaines. Je dors mal, moi, là. Ah, mon Dieu. Oh, je mange plus mes 3 repas par jour, puis mes selles sont pas consistantes. On dirait que je me sens comme un mois de juillet sous la pluie. Ah! Mais écoutez, moi, ce qui me rend vivant actuellement, là, moi, vous raconter un petit peu mon histoire. Ça vous intéresse? Vous êtes écouteurs? Vous êtes branchés? Donc, êtes-vous branchés, madame? Êtes-vous branchés? Faut crier, elle comprend pas. Elle ouvre jamais assez fort son... Parce qu'elle a un problème de... Fait qu'il faut ouvrir le... Hein? C'est assez clair, ça, là? Ouvrez-le! Un problème d'audition. À chaque fois que j'ai audition, elle se prend pour une comédienne, elle. Elle pense qu'elle va reprendre Over the Rainbow, là, de l'autre, là. L'autre, elle l'a fait, le magicien Buzz. Elle a buzzé sa bouteille. Ah, pas lâché. Elle était... Cette femme-là, là, moi, j'ai rien contre. Je l'embrasse partout. Mais c'est que, à un moment donné, quand t'es une femme qui veut recréer son enfance, ben, tu te recolles sur la bouteille. Pas juste des femmes, des hommes aussi, là. C'est important, à un moment donné, là. Comme il disait la chanson, cuvre ta cuve. Non. Comment? Vide ta cuve. Syracuse. Non, ça, c'est une autre affaire, Syracuse. Il est mort, le chanteur, Syracuse, là. Je voudrais un bon de mer et une belle de serre. Je voudrais une fille pas ordinaire sur mon soleil d'été. Soleil d'été. Et je vois le monde d'une autre manière. Et là, qu'est-ce qu'on parle? On parle des flics, on parle de quoi, là? OK, mais ben, quand je fais mon émission, on va finir une histoire pour en commencer d'autres. C'est que on crée des barrages. Puisque je mets la musique tellement forte comme Jimmy Bribrix, parce que j'ai connu Jimmy Bribrix. C'est celui qui fait... voyons donc, il faut pas ça, il fait de la guitare, lui. Ah oui, mais attends un peu, moi, t'as le faire, là. T'as le faire, l'hymne américain. Ah ouais, ah ouais, de mon jument. Ah ouais, non, c'est pas ça. Voyons donc, j'ai des vents de bouche. J'ai des vents de bouche. Moi, j'ai eu un vent. J'ai eu vent de vous, Monsieur Gagné. J'ai eu vent, la semaine dernière, que Monsieur Titran Ouellet, 29 ans de service militaire, vous souhaite bon appétit. Dans le sens que... Bon appétit. Ouais. Je sais pas qu'il y a rien, je comprends pas ce qu'il veut dire, là, mais... Bon appétit, OK. Bon appétit. On rencontre du monde, des fois, là. Ils sont pires que nous, là. Avez-vous compris ça, ce que vous avez? Moi non plus. On n'est pas dans le même diapason. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Ben là, je ne sais pas. On essaie de décortiquer. Connaissez-vous... Arrêtez de vous agiter comme une pantine, une fanfaronne, hein? Arrêtez de faire la fanfaronne. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Ben, on ne sait pas. Moi-même. C'est qui moi-même? Mais c'est moi-même. Seulement moi, juste moi, rien que moi. Je sais plus, je décourage. Hein? Êtes-vous en train de brailler? Non, je suis en train de cailler. Parce qu'on met sa tablette, là, puis on me dit après ça, le jeudi, viens-t'en ici, puis on me place devant un micro, puis on dit sois drôle. OK. OK, mais là, comment ça vient, la drôlerie? C'est important savoir d'où vient la drôlerie. Est-ce que c'est inné, la drôlerie? Est-ce que ça vient de la façon de voir la vie, la drôlerie? Est-ce que c'est la compréhension que la personne qui doit faire de la drôlerie interprète la vie? Est-ce que la drôlerie s'apprend? Non. Est-ce qu'une école doit vivre pour former des gens qui nous amènent à cette drôlerie-là? Non. Non, mais c'est juste pour rire, là. Ce que je vous lance là, c'est juste pour rire. Non. Non. Il y a... Mais qu'est-ce qui se passe, là? Mais je voulais juste lancer ça de même. Je sais pas si c'est improvisé, monsieur, là. Puis je crois qu'on doit, bon, on doit pas faire des écoles de drôlerie. On est drôle ou on l'est pas. Puis il y a pas de façon de faire. Puis Yvon Deschamps, Clémence Desrochers, puis Guy Bedos, Raymond DeVos... Pierre Desproges n'ont pas eu d'école, puis la femme que je connais aussi, comment? La femme. La femme de ma vie avait longtemps, depuis longtemps. Et aujourd'hui, elle s'égrène, mais elle est heureuse, elle est comme ça, elle se berce, puis elle s'égrène. Elle se ramasse aussi, parce qu'elle est une femme propre, tellement propre, là, qu'elle est consciente, elle est consciente qu'elle est tellement vieille, qu'elle vire ensemble. Pas tout le monde qui peut avoir ça de même, là, de connaître sa réalité, c'est quelque chose, là. Il n'y a pas beaucoup que. Hein? On parle des autres, oh, regardez lui comme ça, oh, mon Dieu. Puis, souvent, on est pire que les gens que nous pointons du doigt. On est pire que les personnes qui nous irritent. Hey, cette femme-là est tatouée à 50 ans, ça n'a pas de bon sens. Puis lui, mais écoute, ça fait 30 ans que sa femme le trompe. Là. Ça ne rend pas compte. Tu sais, à un moment donné, là, on appelle comme un grand savant a amené comme réalité. Là. Hein? Ça prend. Je sais pas. Une façon de voir et de se voir. Comparativement aux autres, c'est ça. Les autres, c'est important, les autres, là, on est avec les autres, puis il faut dire bonjour, comment ça va, oui, c'est heureux, ah oui. Ah oui, mais la relativité, il faut relativiser. Il faut relaxer aussi. Prends ça, relax, là, c'est pas grave, puis elle a un tatou, c'est pas toi qui l'as, le tatou, là. Qu'est-ce qui se fait, ce tatou-là, il te dérange tellement, à quoi ça t'excite, ça... Si tu trouves ça dégueulasse, ben regarde-le pas, tu n'es pas obligé. Tu es libre. Liberté. Liberté. C'est une chanson tellement belle de Richard Desjardins. Liberté. La liberté. Nous avons la liberté. Puis quand je lis, souvent, je rencontre des gens l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, qui me disent, j'ai mis ça à l'envers, je sais, c'est voulu, madame. C'est voulu. Pour dire que je n'en oubliais pas un là-dedans, là. Printemps, été, automne, hiver, ça va. Bon. Puis que, pendant toutes ces... Pardon? Oui, je vais le dire. Oui, je sais que je l'ai relaté il y a quelque temps. Mais je me dis souvent que c'est pas tout le monde qui m'écoute en même temps. Puis il y en a qui oublient, puis il y en a qui peuvent pas. Puis bon, c'est même beau que ça soit téléchargeable sur mon site officiel. Oh, hein, on fait de la pub, là. Allez sur Blogspot, Terrence Rinaldienne. Blogspot. Blog, B-L-O-G, spot, S-P-O-T, Errance Rinaldienne. Là, c'est le, je sais pas, c'est le code barre, le non, c'est la dividende, c'est la barre croche, là, la croche, mais vers la gauche, toujours la gauche. Comme. Et puis, qu'est-ce qu'on disait, donc, comment? Elle fait des grands signes, elle comprend plus, elle, là. Mais c'est mieux de comprendre. Non, mais quand on... Mais qu'est-ce qui se passe, là? Il se passe rien. Il se passe rien, là. Le petit a pris son boire. Puis moi, ben, je vis actuellement un déboire. C'est un Simonac. Mais c'est que les enfants! Les enfants de M. Tremblay, depuis 3 semaines, n'arrêtent pas de crier. Élever un enfant, M. Tremblay, c'est de leur dire aussi, « Chut! Il y a du monde! » faut les socialiser. Il y a du monde. Tu sais, quand tu es dans un supermarché ou un petit marché, puis que tu cours partout, puis tu as 5 ans, il faut à un moment donné dire, écoute, tu vois la petite madame à côté de toi, là? Petite madame, là. La petite madame courbée qui cherche ses faits volards à la malasse. Puis elle va aller voir le commis, je le sens, elle va aller voir le commis, là. Elle est toute courbée, puis elle voit plus rien, là. Elle a le droit d'être courbée, puis de ne plus voir rien, là. Mais regarde, est-ce qu'elle s'excite comme toi? Bon, prends l'exemple de cette vieille femme courbée qui cherche. Qui cherche. Et qui cherche encore. Ses faits volards à la mélasse. Et tu verras qu'un jour, ce que je viens de te dire sera très important pour le reste de ton existence. Un petit « Ah! Comprends-tu ça? Voyons donc, là. C'est pas ça. Tu dis « Hey, tranquille, toi! Au pied! Pas de dessert à soir! Pas de dessert! Pas de dessert! » Aujourd'hui, c'est pas ça, là. C'est « Voyons donc, viens, sois tranquille. » Hey, ça crie encore plus. Sois tranquille. Maman, elle aime pas ça. Maman, papa s'en vient, là. Papa va pas aimer ça de le voir comme ça. Ben voyons. Hey. Pâté chinois, Saint-Simonac. Ces enfants-là, là, à un moment donné, ça va se retrouver à 20 ans. Ça va se réveiller. Oh, ça me tente pas d'aller travailler. J'irai pas. Ils appellent pas. Ils viennent pas. Puis là, le gars qui est là, là, puis qui s'attend à avoir quelqu'un pour l'aider, ben, il va tout seul. Puis lui, ben, écoute, il est né dans les années 70. Qui travaille. Il n'a pas compris. C'est lui l'imbécile. C'est moi qui est tout à fait dans les rails. C'est fou aujourd'hui. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Êtes-vous fou, M. Thibodeau? Mais qu'est-ce qui se passe, là? Il se passe rien. Il se passe que la réalité commence à changer. La friction comment? Oui, je vais le dire. Je suis en train de mimer en même temps. La friction. Oui, la friction commence à frôler la réalité, puis même à user la réalité. Quand ça use, là, ça devient, hein, ça devient corrosif. Il va se passer à un moment donné, il veut pas une explosion, la société va continuer à rouler tout croche, comme elle vit aujourd'hui, c'est tout croche, tout est croche, tout le monde est croche. Ah, mon dos. Même mon chêne que j'ai. Que j'allais dire que j'ai pendu. J'ai pas pendu, je l'ai mis en terre. Il est pas mort, il est mis en terre, les racines. C'est Simonac, arrêtez de penser à des affaires, là. Puis, éventuellement, je sais qu'il y a un dépressif, un poète. Ah, oh, je l'ai su, elle l'a compris. Mon texte n'est pas compris. Je suis arroré, Puis, il va prendre mon arbre, puis il va se prendre. Bon, ben, écoute. C'est aussi un choix, mais... Monsieur le Président, et comme dans le film Manon des Sources, c'est Hugolin qui se pend. Et que c'est beau, ce film-là. Si, j'ai pas vu. Je l'ai vu il y a à peu près 30 ans, là, à la sortie, puis peut-être 2-3 ans après. Puis... Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais je l'ai pas ici. J'ai tellement de films. J'ai à peu près 5000 films, mais j'ai même pas la Manon des Sources et Jean de Floreil. Puis une chanson de Serge Lamant qui... Serge Lamant. Ouais. Ils avaient demandé à Nino Ferrer, là. Non, pas Nino, qui donc? À Garou. Mais Garou n'était pas encore connu à l'époque. Heureusement que ça a été Serge Lamant, Monsieur le Président. Avez-vous entendu la babine qui tremble? Monsieur le Président, c'est pas parce que je suis ému, c'est parce que je me suis imbibé. Je dois tourner des pages. J'ai les mains sèches. Chez l'été. J'ai un coup de soleil au troisième degré. Mon cerveau est comme l'antilope. Ça court, ça court, ça court. Mais ça court pas vite. Non, mais c'est une antilope qui cherche son destin et qui trouvera que ses intestins, à un moment donné, crieront « Oh, arrête-toi! Puis vas-y, là! Vas-y, là! » Pas Godzilla, vas-y là, sinon, écoute, on va te suivre là, puis on va savoir où tu te trouves. Tu vas laisser tes traces. Monsieur le Président, Je l'ai pas trop catholique. Mesdames les voltées, excusez-lui. Scalpez-le. Quoique, il est déjà scalpé. On lui a demandé de laisser ses cheveux pendre vers les tempes pour pas qu'on voit Exactement. Lui aussi. Mais qu'est-ce qui se passe, là? C'est la lobo de monsieur... c'est pas la marque de l'orange, la lobo. Non, c'est une pomme, le lobo. Lobo. Plus t'es lobo, plus t'es heureux. Plus t'es lobo, plus t'es... T'es-tu heureux, mon lobo? Ah, t'es heureux, moi. Hey, j'aime ça des chansons de Céline Dion, moi. J'aime ça écouter Mario Felsa. C'est beau, Mario Felsa. Hey, mais attends un peu, là. Il y a une chanteuse que j'aime aussi, c'est Laura Fabian. C'est beau, Laura Fabian. C'est beau. Ouais, la vie, c'est beau. C'est belle. C'est belle aussi, la chienne à ma tante est belle. Elle est belle. Mais c'est pas une chienne à ma distinction, mais elle a l'air d'une chienne. Elle a l'air d'une chienne parce qu'elle a pas l'air d'un chien. Hein, c'est pas compliqué, ça, là. Là, hein? Oh, c'est beau, tout est beau, hein? Hey, la couleur de la rose, là, pourquoi c'est pas toujours rose? On dit que c'est une rose. Quand t'as mon crayon de couleur, c'est rose, ben la couleur, c'est rose. Pourquoi la fleur, c'est pas rose? Hein? Pose des affaires, là. Monsieur le Président, non, mais rose. Il y a une chanson, c'est quoi, non, c'est pas Gilles, non, c'est mon ami Fernand Gignac. Donnez-moi des roses. Hey! Faut en donner des roses pour en recevoir. Mais moi, écoute, je vais vous en donner des roses, là. Mais à un moment donné, envoyez-moi une couronne. Une couronne. C'est important, une couronne. Puis au pire, en plastique. Parce que pendant les fêtes, je vais mettre ça sur ma porte. Puis lorsque je trépasserai, ben, je mettrai ça dans mon sur ma table de cuisine, puis les gens, ben, ils placeront ça sur mon cercueil. Ça va être déjà fait. Coûte pas cher, ça là. Puis si ça sent rien, c'est pas important la senteur. Tu mets du push-push. Je sais pas n'importe quel push-push. Du push-push qui sent bon. Puis pas du push-push qui sent la rose. Parce que ça, la couleur rose, ça sent quoi la couleur rose? Ben, moi, écoutez, moi, je sens pas la rose. J'ai jamais senti la rose. Oh, je sens le pissenlit. Le pissenlit. Quoi, pissenlit? Pas un pissenlit, un pissenlit. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et rénalienne. Avez-vous compris, oui. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Très important. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Aujourd'hui, le vendredi 8 juillet 2016. 8 juillet! Dans deux jours, je reviens de Paris. Je suis à Paris actuellement, là. Pas pire, hein? Pas pire! Là, c'est la transmission de pensée. Et monsieur, c'est la transmission. De pensée, bien, transmission. Là, c'est pas c'est de la pensée, mais c'est de la... Transmission. C'est quoi, Ernel? Hein? Voyons donc, le fil, il... Je pense que ton micro, tu commences... Non, là, c'est pas le micro, c'est les haut-parleurs. Oh non, c'est pas la fin des haut-parleurs, déjà. 350... Ah, oh, pas là, OK, ça vient de revenir. Ça va bien et ça revient. Aujourd'hui, le vendredi 8 juillet. La police a bloqué la rue, puis, parce qu'il y a tellement la musique très forte, puis les voisins font des plaintes. Ça se plaint, ça se plaint, ça se plaint, ça se plaint. Aujourd'hui, le vendredi 8 juillet.